Quelques petits problèmes. Je vais relancer, j'ai quelques petits problèmes. I'm sorry for the bug. I restart. I'm sorry for the bug, I restart. Je vais écouter Genesis. Attends, je relance. Sublime silence. Ah, par contre, là, ça. Ça va pas le faire. Attends. Just a minute. 70. 140. Sublime silence. Voilà. Attends, je vais relancer. I'm sorry. I'm looking for. I'm sorry. Ah, il est parti. Donc on peut remettre la batterie. Hein. Bon allez, on va se le refaire. Il est parti, monsieur Confus. Il est confus. Je suis confus. I'm sorry. Allez, reviens. You want I mute the drum track? I could mute the drum track. Okay, just a minute. Il est mon piano là. I restart. I'm sorry, I restart. Avec Confuse à la batterie. J'enlève la batterie. J'enlève la batterie. And Confuse. Ah bah il est reparti. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur le batteur? Ah, il est reparti. Sublime et silence. Putain, par contre. 1, 2, 1, 1. Sublime silence. Bon, je recommence. T'es prêt? Ta bouche brûlante quand tu souris. le vide t'aurait suffi. Le vide t'aurait suffi. Subis mes silences autour de toi, tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, nos ivresses blanches, je fuis Paris. Le vide t'aurait suffi. Le vide t'aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs, je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Mais je sais que tu restes.